Chapitre 16e. Les rats d'hôtel. Depuis de longues années, M. Laurent n'avait pas reparu à l'Aigle. Il y était autrefois fort connu, et son mariage avec la fille du maire d'Itonville avait achevé de le rendre populaire. Mais s'il n'était pas revenu à l'Aigle, ses clients ne l'avaient pas abandonné pour cela. Ils avaient continué de lui assurer leur pratique et faisaient bon accueil à son représentant depuis qu'il était, lui, devenu maître de la maison pour laquelle il voyageait autrefois. Cependant, il ne tenait pas, surtout aujourd'hui, à goûter les fruits de cette popularité et à subir les mille questions de ces braves gens toujours en quête de nouvelles, à l'affût de sujets de longues discussions. Autrefois, il descendait à l'hôtel du Grand Aigle. Il dut y descendre encore cette fois. Fort heureusement, le patron n'était pas le même, et le personnel se trouvait renouvelé. Cela lui fut agréable. Il put, sans éveiller de curiosité importune, obtenir, comme tout voyageur, une chambre et y dormir à son aise. Les deux autres voyageurs se virent attribuer des chambres au même étage. En province, on dort tôt. Au Grand Aigle, on n'attendait plus que ce train pour aller se coucher. Aussi, dès que les trois voyageurs eurent fermé la porte de leur chambre, l'hôtel fut clos, les lumières éteintes, le veilleur de nuit alla, comme celui de Maître Béjanet, se plonger dans ce bon sommeil heureux qu'on ne trouve qu'en province, à la campagne. Bientôt le silence régna dans la maison. Mais ce silence ne fut pas de longue durée. Certes, les voyageurs ne devaient pas encore dormir que la sonnette de la grande porte retentit, faisant sursauter le veilleur de nuit qui accourut. C'étaient des automobilistes qui, ayant eu une panne, préféraient passer la nuit au Grand Aigle que de rouler dans de mauvaises conditions sur Paris. Faisant le moins de bruit possible, ils remisèrent leur auto dans le garage, puis gagnèrent les chambres que le veilleur de nuit leur attribua. Passant dans le corridor où se trouvaient les chambres qu'occupaient les voyageurs précédents, ils ne purent s'empêcher de rire. L'un des voyageurs s'était avisé, probablement pour qu'on ne les bousculât pas en passant dans la nuit, d'attacher ses bottines, que le garçon devait cirer le lendemain, de les attacher au bouton de la porte au lieu de les poser comme tout le monde par terre. « Un original, » fit l'un des nouveaux venus, « un maniaque ou un anglais pratique. » Bientôt le silence régnait de nouveau dans l'hôtel. Mais un des voyageurs semblait peu décidé à se coucher. Il avait laissé sa porte entrouverte et la lumière de sa bougie filtrait dans le couloir. On le voyait parfois même passer et repasser. Il semblait tourner dans sa chambre comme un chacal en cage. Peut-être était-il souffrant, peut-être tout bonnement fumait-il par habitude une dernière pipe avant de s'endormir. Cependant, tout doucement, sans le moindre bruit, la porte de l'un des premiers voyageurs s'entr'ouvrit, oh, à peine, comme pour laisser glisser un regard dans le couloir, et elle se referma aussitôt en apercevant la lumière. Mais alors, de la chambre occupée par l'un des nouveaux voyageurs, une ombre sortit, un homme en costume gris bleu collant, en souliers de caoutchouc, un rat d'hôtel, assurément. Le rat d'hôtel, sans s'inquiéter du ray de lumière de la porte entr'ouverte, de la promenade du voyageur, se glissa dans le corridor et arriva à la porte au bouton de laquelle étaient suspendues les bottines. Cette porte s'ouvrit aussitôt. Certainement, de l'autre côté, la venue du rat d'hôtel était attendue. L'homme en costume gris pénétra dans la chambre d'un coup comme une ombre, sans le moindre bruit, et la porte se referma sur lui. L'autre, au bout du couloir, continuait sa promenade, ayant maintenant un peu plus ouvert sa porte. Le rat d'hôtel, continuons à le désigner ainsi pour plus de clarté dans le récit, afin de nous reconnaître dans ce jeu de portes. Le rat d'hôtel ne resta que quelques instants dans la chambre où il était entré. Pendant qu'il s'y trouvait, la porte de la chambre du voyageur qui était arrivé ici avec la petite valise à main, une nouvelle fois s'entr'ouvrit doucement, mais le voyageur, ayant encore aperçu de la lumière, se renferma chez lui. Singulière nuit, vraiment, où aucun de ces voyageurs ne voulait rester chez lui, sauf M. Laurent qui paisiblement dormait et que même, sauf votre respect, on entendait ronfler copieusement. Au bout de 4 ou 5 minutes, la porte où pendaient les bottines et qui se trouvait, à peu de choses près, en face de celle de l'homme à la petite valise, s'entr'ouvrit encore. Le rat d'hôtel sortit, mais cette fois, au lieu de remonter vers le haut du couloir, du côté de sa chambre, il se dirigea vers l'autre bout où se trouvait l'escalier, et il disparut, se fondit dans l'ombre des murs. Alors le voyageur du fond cessa sa promenade. Il ferma enfin avec un peu de bruit sa porte, et le couloir fut plongé dans une obscurité que le maigre lumignon d'essence piqué vers le milieu ne parvenait guère à dissiper. Le silence de la nuit aurait été absolu dans cette grande maison si M. Laurent ici et le veilleur en bas n'eussent fait entendre leur ronflement. Quelques minutes s'écoulèrent, longues, paisibles, et un troisième ronflement vint ajouter son harmonie grave et régulière au duo déjà cité. Le voyageur qui accrochait ses bottines au bouton de la porte venait de partir décidément pour le bon sommeil. La porte du voyageur, la petite valise, une troisième fois s'entr'ouvrit. Et le voyageur, n'entendant aucun bruit suspect, sauf ses ronflements sonores et de bon augure, ne voyant plus rien de douteux, plus de lumière inquiétante dans ce corridor, se glissa hors de sa chambre et vint à la porte aux bottines. Avec une adresse merveilleuse, il l'ouvrit et il pénétra dans la chambre où tout à l'heure le rat d'hôtel s'était déjà faufilé. Quand il fut entré, le même rat d'hôtel, caché dans la pénombre de l'escalier, reparut rapidement dans le couloir. En quelques pas légers, rapides, il se porta vers la chambre, maintenant vide, du voyageur la petite valise, qui rendait une visite dans la chambre aux bottines suspendues. À ce moment, le voyageur qui tout à l'heure avait cessé sa promenade inquiétante la reprit. Il devait être souffrant. Il alluma de nouveau sa bougie et s'engagea dans le couloir, marchant sur la pointe des pieds, mais faisant cependant craquer le plancher et signalant sa présence. La porte bottine suspendue s'entr'ouvrit, inquiète, et se referma aussitôt. Peu après, le rat d'hôtel quittait avec la même légèreté, la même habileté, la même souplesse silencieuse, la chambre du voyageur à la valise dans laquelle il s'était introduit. Le malade qui avait gagné l'escalier et était descendu demander quelque chose à boire au veilleur de nuit, remonta, regagna sa chambre cette fois et la ferma à clef. Et de nouveau, le trio de ronflements annonça, sans être troublé, la béatitude du sommeil. Le voyageur à la petite valise alors quitta la chambre du voyageur aux bottines sur la porte et réintégra prestement sa chambre où à son tour il ne tarda pas à s'endormir. Ce chassé-croisé, ce jeu de porte, qui transformait ce paisible couloir du vieil hôtel provincial en succursale du palais royal, tomba alors dans la bonne et reposante quiétude. Au petit jour, le veilleur de nuit vint réveiller le voyageur à la petite valise. Ce voyageur s'habilla promptement, déjeuna en deux coups de dents et sa petite valise à la main se dirigea vers la gare. Quelques instants après son départ, la porte du voyageur aux bottines s'ouvrit, puis celle du malade qui s'était promené dans le couloir, et les deux voyageurs se glissèrent dans la chambre de celui qui avait si habilement joué le rat d'hôtel. Le rat d'hôtel, maintenant habillé en touriste, se tenait assis devant une petite table, penché sur divers papiers qu'il semblait étudier avec la plus grande attention. « Comment, chef ? » dit l'homme aux bottines. « Vous ne vous êtes pas couché ? » ?»« mais si, j'ai dormi jusqu'au moment où on a réveillé ton cambrioleur. » Et Paulin Broquet se mit à rire. « Tu as bien travaillé, Gabriel. Compliment. » Il lui tendit la main. « Toi aussi, l'amorce, » dit-il à son second compagnon. « Tu as joué dans la perfection de ton rôle de voyageur inquiet qui ennuie tout un hôtel et dérange tous ses voisins. Parfait. » C'était Paulin Broquet et ses deux lieutenants, Gabriel, son meilleur élève, et l'amorce, qu'on appelait ainsi parce qu'il était doué du talent admirable de l'amorceur. Mieux que quiconque, il savait faire parler les gens, les amener aux confidences ou préparer un coup qui n'attendait qu'un petit choc pour faire explosion. Pour expliquer la présence ici, dans cet hôtel, de Paulin Broquet et de ses fidèles lieutenants, il faut rappeler que le détective se promettait de poser quelques questions à M. Laurent quand celui-ci serait de retour à Paris. Les voyages du fabricant de produits chimiques étaient connus de Paulin Broquet. Un de ses agents veillait sans cesse sur l'irascible client de la banque Montreuil, celui dont les dossiers compromettants se trouvaient dévalisés et chez le banquier assassiné et chez le notaire Béjanet si mystérieusement cambriolé. À la porte de M. Laurent se tenait donc un agent jouant le rôle de commissionnaire. Et dans le café-bar attendait un autre agent de la brigade Broquet. Hier soir, Gabriel avait tenu à venir lui-même, se rendre un peu compte de la situation. Le hasard, qui fait parfois bien les choses, voulut que ce fût lui que le faux commissionnaire vint prévenir. La voiture qui avait amené Gabriel l'attendait. Il n'eut qu'à sauter dedans pour se faire conduire à la gare Montparnasse, tout en donnant au chauffeur ses indications et lui disant ce qu'il fallait annoncer au chef. C'était une auto appartenant au service du détective et construite selon ses plans pour son service, répondant à ses besoins. Gabriel trouva dans les caissons tout ce qui lui était nécessaire pour avoir l'air d'un voyageur. Petit sac de voyage, couverture, etc. Il put se faire une tête et paraître dans le wagon sans courir le risque d'être reconnu pendant le voyage. Il se mit donc, suivant la consigne reçue, à suivre M. Laurent. Mais le voyant prendre la gare Montparnasse, et se doutant qu'il se rendait dans le pays des parents de sa femme, il crut devoir avertir son chef. Paulin Broquet, en effet, avait pris des renseignements sur M. Billemont, sur le mariage de M. Laurent avec la fille du maire d'Itonville. Il connaissait la haine que M. Billemont professait pour son gendre, à qui il ne pouvait pardonner de lui avoir forcé la main. Paulin Broquet savait aussi que dans le coffre-fort du banquier Montreuil, dans celui de maître Béjanet, se trouvaient des actes, des valeurs, des endossements portant la signature de M. Billemont. Et Paulin Broquet se disait que le père de Mme Laurent aurait fait preuve d'une bonté sans pareille s'il avait, lui, signé tous ses papiers en faveur d'un gendre qu'il détestait. Si donc M. Laurent se rendait maintenant chez son beau-père, il devait être poussé par la nécessité absolue, et Paulin Broquet voulait connaître aussitôt le résultat de cette entrevue. Le détective était donc venu en auto à l'Aigle avec son second, l'Amorce. Pour s'arrêter à l'Aigle, il avait prétexté la panne. Gabriel lui avait fait savoir où il descendrait et comment il pourrait reconnaître la chambre dans laquelle il le trouverait, sans être obligé de questionner les gens de l'hôtel. Tout cela avait très bien marché. Et Gabriel tenait d'autant plus à voir son chef qu'il avait de son côté trouvé quelque peu bizarre la présence de ce voyageur à la petite valise. La leçon était si admirablement faite. Les hommes de Paulin Broquet connaissaient si parfaitement leur rôle chacun que sans s'être concertés, ils avaient manœuvré dans la perfection. C'est ainsi que, pendant que son chef se trouvait chez Gabriel, l'Amorce empêcha le voyageur à la petite valise de sortir de sa chambre, permettant à Paulin Broquet de conférer à son aise avec Gabriel. Gabriel put donc tranquillement faire son rapport à son chef, le mettre complètement au courant. « Bon, » dit Paulin Broquet, « nous saurons ce que c'est réellement que cet homme à la petite valise, s'il en veut à toi ou à M. Laurent. Pourquoi à M. Laurent ? À la suite de ce qui s'est passé à la banque Montreuil, chez maître Béjanet pour les papiers, les dossiers de M. Laurent, nous ne pouvons rien dire, il faut voir. » Paulin Broquet reprit. « Quant à toi, tu es de ma brigade, cela veut tout dire. Il faut s'attendre à tout. » « À propos, n'as-tu rien de compromettant dans tes poches ?»« Non, je n'ai même pas de papier d'identité. »« Bon. » »« En voici, deux ou trois lettres, des papiers d'une maison de commerce du Havre. » Tu t'appelles Guy Boiseau, tu es employé. Ce sont des lettres prises hier sur un citoyen quelconque qui va purger quelques jours de prison pour ivresse manifeste et injure aux agents. Tu ne vois pas d'inconvénient à être Guy Boiseau ? Non, chef. Bon. Je place les documents dans la poche de ton veston. Si la valise vient le fouiller, il sera parfaitement renseigné. Laisse-le faire. Dors du sommeil du juste. À demain, Guy Boiseau. Paulin Broquet quitta son second et, jouant son rôle de rat d'hôtel, pendant que le voyageur à la valise allait de son côté chez le prétendu Guy Boiseau, il entrait, lui, dans la chambre du mystérieux personnage et perquisitionnait dans cette fameuse petite valise, dans les poches du vêtement, dans un portefeuille, et faisait bonne moisson de documents. Ces documents, rentrés dans sa chambre, il les étudia une partie de la nuit et les examinait déjà le matin quand ses deux seconds pénétrèrent chez lui. « Ce gentleman, dit-il à ses agents, est prudent. Il prend des précautions dont n'aurait jamais l'idée un honnête homme qui n'a rien à craindre, qui ne complique pas sa vie. Ainsi, il a des cartes de visite à plusieurs noms, mais aucune n'a d'adresse. Les deux ou trois lettres que j'ai là ne sont pas renfermées dans leur enveloppe. Deux ne signifient rien, la troisième est en chiffres. » Le détective les mit sous les yeux de ses hommes. « Voyez, ce qu'il y a pour nous d'intéressant, c'est que les deux premières lettres, en apparence insignifiante pour tout le monde, sont marquées au crayon bleu de ce signe. » Gabriel et l'Amorce poussèrent un cri d'étonnement. « Un Z !»« Oui, » dit Paulin Broquet, « un Z !»« Ce signe que nous avons trouvé chez le banquier assassiné, chez le notaire cambriolé. » Il ajouta. « Je crois que j'ai eu hier la main assez heureuse. » « Oui, chef. » « Mais voici le plus intéressant, le plus étrange, mes bons amis. Voici, regardez. » Paulin Broquet mit sous les yeux de ses lieutenants une lettre. Il la tenait pliée, ne leur montrait que la moitié de cette lettre. Gabriel et la mort se penchèrent sur la lettre que Paulin Broquet appliquait sur la table. C'était une lettre de machine à écrire. « Mais c'est une lettre chiffrée !» s'écrièrent les détectives. « Oui, » fit simplement Paulin Broquet, « chiffrée. Je la traduirai dès que j'aurai un moment. Mais ce qui pour moi a une valeur énorme, inouïe, c'est sans doute moins le texte caché encore que la signature de la lettre chiffrée. » « La signature. »« Oui, la signature. »« Un Z ? Encore un Z ? » ?»« La signature est complète ? » ?»« Absolument complète. Tenez, lisez. Lisez. » Les détectives en même temps s'écrièrent en jetant les yeux sur la signature « Zygomar !» Paulin Broquet, triomphalement, éleva la lettre au-dessus de sa tête et joyeusement, il s'écria « Oui, c'est Zygomar. Enfin Zygomar !»